France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Diams sous l'histoire d'une sortie de route. Le 8 octobre 2009, Paris Match publie des photos de la rappeuse la plus populaire de France, marchant vêtue d'un hijab et d'une tunique en compagnie de son mari, vers la mosquée de Gennevilliers en banlieue parisienne. Le titre du reportage est pour le moins racoleur, Diams, mariée, voilée. Aussitôt, la nouvelle déclenche une onde de choc. Sur les chats, les blogs et les forums dédiés à la chanteuse, les fans ne parlent que de ça. Et pour cause, depuis plus d'un an, Diams a complètement disparu des radars. Mais si pour la plupart d'entre eux, son choix relève de la sphère privée et n'a pas lieu de provoquer le débat, le scoop ne tarde pas à se transformer en polémique. Dans la presse féminine notamment, les articles se multiplient pour tenter de comprendre ce qui a bien pu arriver à cette jeune femme talentueuse, grande gueule, et largement considérée comme la porte-parole de la jeunesse des banlieues pour qu'elle se décide de se tourner vers la religion, l'islam en l'occurrence. D'où cette question. Comment et pourquoi est-elle devenue l'incarnation des tensions identitaires qui continuent 10 ans plus tard de traverser la société française ? Notre invité aujourd'hui, Éric Fassin, sociologue, professeur au département de sciences politiques et d'études de genre à l'université Paris 8 Saint-Denis et chercheur au CNRS. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Bettina Lioré, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. RERB, direction les Ulysses. Dans la rame, Mélanie Georgiade. 14 ans, cheveux mi-longs en queue de cheval, baggy, gros pull, noirci un carnet, son Walkman vissé sur la tête. Depuis qu'un copain de classe lui a proposé de monter un groupe de rap, quelques mois plus tôt, elle a troqué ses disques de Michael Jackson, Francis Cabrel et Judy Goldman pour ceux de Public Enemy, I Am, Assassin, NTM. Son objectif en rentrant chez elle ce soir-là, décrocher un freestyle à l'antenne de Radio Génération. Pour dénicher l'instru parfaite, elle a passé l'après-midi à traîner dans les boutiques de vinyle de Châtelet. Arrivée à la zone Gorcéville, elle descend de la rame et monte dans le bus numéro 3, puis à pied. Elle dépasse les groupes de jeunes qui traînent au pied des tours de la cité des Ulysses pour rejoindre Mondétour, une zone pavillonnaire d'Orsay où elle vit avec sa mère, souvent absente pour son travail. Son père, lui, a déserté des années plus tôt. Pas de frère, pas de sœur, non. Rien qu'un appartement vide. Mais enfin, elle est contente de son texte. Alors, elle se jette sur le téléphone fixe et compose le numéro de Génération. Et cette fois, c'est la bonne. Elle est sélectionnée pour passer sur les ondes. Pendant une minute, elle débite sans faute ce qu'elle répétait depuis des mois. À la fin de la prestation, après un moment de flottement dans le studio, l'animateur visiblement épaté lui lance « Et comment t'appelles-tu, jeune homme ?»« Je suis pas un garçon, je suis une fille. »« Une fille ?» Et il n'en fallait pas plus pour stimuler la curiosité de l'animateur qui l'invite, dans la foulée, à venir le rejoindre quelques jours plus tard pour un freestyle en studio. Comme un premier pas dans le milieu très underground du hip-hop français, où à force de rencontres et de featuring, la jeune Mélanie commence doucement mais sûrement à se faire un nom. 1995, au collège Saint-Nicolas, Igny, où elle était inscrite en quatrième, Mélanie Georgiade doit demander une dérogation pour manquer les cours. Bien, elle est invitée par le collectif Mafia Tressée. Rencontrée dans les studios de Génération, elle est invitée à monter sur scène lors d'un concert à la Cité des Cuverons, à Bagneux. Mais ça part mal. D'abord parce que c'est une élève plutôt moyenne, sauf en français, mais surtout parce que le rap est encore méconnu et plutôt mal perçu. Et ce, malgré quelques reportages bien inspirés qui visent à comprendre le phénomène, comme celui diffusé en 90 dans l'émission Envoyé spécial sur France 2. Les États-Unis ont donné le signal. Saint-Denis et toute la banlieue est entrée dans la danse. Puis ce mouvement-là, c'est ce que ça permet aussi. C'est-à-dire que tous les gens qui se posent plus ou moins cette question ou qui se sentent un petit peu exclus, hein, plus ou moins, quoi, ben ces gens-là, ben ils se réunissent tous et puis ils forment une espèce de... ce qu'ils n'avaient pas avant d'une culture, quoi. La culture, si tu veux, comme nos ancêtres auraient pu l'avoir, mais sur le bitume, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le béton, ben autant faire avec, quoi. On va faire notre culture dans le béton. Les enfants des banlieues et du métro veulent prendre leur revanche. Ils ont grandi ensemble, loin des écoles d'art, parfois des écoles tout court, ou du conservatoire. Contre tous, ils ont inventé leur propre style, leur propre musique, leur propre danse. Et ils bougent au même rythme dans toutes les grandes villes de la planète. Le mouvement, le move, comme ils disent, est en marche. Et ça n'a rien à voir avec une mode, c'est juste une question de survie. Pas sûr que la prof de maths de Mélanie ait entendu parler du move ou de la culture du béton. Alors elle refuse et lui dit, en retard d'un siècle, « C'est pas comme ça que vous deviendrez quelqu'un. » « Je suis déjà quelqu'un », rétorque la jeune fille qui, elle, est bien de son temps et qui maîtrise déjà l'art de la punchline. Quelqu'un, oui. Mais qui ? Mélanie ? Mel ? Un peu trop doux tout ça. Quelques mois plus tôt, en feuilletant le dictionnaire à la recherche de quelque chose de bref, quelque chose de vif, elle avait opté pour le pseudo Diams, diminutif de diamant. Parce qu'un diamant ne peut être brisé que par un autre diamant. Ça fera l'affaire. Été 1998, des foules en liesse remontent les Champs-Élysées pour célébrer la victoire de l'équipe Black-Blanc-Beur lors de la Coupe du Monde de football. Une victoire qui, dans l'euphorie, donne l'illusion d'une France unie, multiculturelle, multiethnique. Mais dans les faits, les immigrés maghrébins et leurs enfants, qui pour la plupart peuplent les grands ensembles en périphérie de la capitale, sentent bien, eux, qu'ils sont perçus comme des citoyens de seconde zone. Depuis les années 70 et la fin de la guerre d'Algérie, l'administration française qui avait jusque-là favorisé la venue d'étrangers pour renforcer la main-d'œuvre industrielle change de cap et de jargon. L'immigration devient un problème qu'il faut maîtriser. Dès lors, dans les notes officielles, on parle de gestion des flux et l'on applique une politique restrictive à destination des populations algériennes d'abord, puis à l'ensemble des catégories d'étrangers ensuite. Un changement de paradigme qui se traduit par une multiplication de crimes racistes au début des années 80 et la mort tragique de 5 maghrébins. Et si la marche des beurs en 83 attire pour la première fois l'attention sur ce problème majeur, la ghettoisation progresse et l'exclusion sociale persiste. Comme l'explique la chercheuse Nathalie Etoc dans un article intitulé « Black, blanc, beurre, ma France à moi » paru en 2009. Les populations immigrées font l'expérience d'une domination de classe et d'une domination raciale, en dépit des proclamations vertueuses de la République. Les stratifications socio-économiques s'inscrivent dans une continuation du rapport historique entre colonisateurs et colonisés. La seule différence, c'est qu'à l'ère post-coloniale, le racisme et l'exploitation se retrouvent désormais à l'intérieur de l'espace national. Un espace divisé entre la ville intramuros et les quartiers périphériques. De son côté, Diams délaisse les égotripes et les clashs entre rappeurs pour des textes plus engagés. Des paroles qui reflètent sa propre trajectoire identitaire. Comme elle le raconte sur France Inter, répondant aux questions de jeunes représentants du monde associatif engagés pour la jeunesse des banlieues. En fait, ce que je voulais savoir aussi, c'est que tu parles beaucoup de métissage. Quel sens a ce mot pour toi ? Alors moi, je vis le métissage assez bizarrement parce qu'il n'est pas écrit sur ma gueule, excusez-moi l'expression. Mais voilà, moi, je ne vis pas de discrimination. Des fois, quand je regarde mon schéma familial, je me dis « plus métisse que moi, tu meurs ». Parce que finalement, moi, j'appartiens carrément à un pays qui parle pas ma langue. Je suis d'un pays où les gens ne connaissent pas du tout la culture française. Et au-delà de ça, le sang, la famille et toutes ces choses-là font que je sais que je suis méditerranéenne à 100%, en fait. Donc voilà. Mais ça me tient vraiment à cœur et je pense que le métissage, c'est quelque chose qu'il faut revendiquer. C'est une force, vraiment. Au milieu des années 90, Mélanie participe avec d'autres rappeurs engagés à la compilation « Sachons dire non contre le racisme » et reprend Saïdou Mohamed de Cabrel, un titre qui déjà dressait en 83 le portrait d'une génération d'immigrés d'Afrique du Nord qui avait du mal à se faire une place dans la société française. Deux ans plus tard, son visage, encore inconnu du grand public, apparaît dans l'émission « Plus vite que la musique ». À 19 ans à peine, la jeune rappeuse assure déjà la promo de son premier album intitulé « Premier mandat » produit par la maison BMG et reprend a cappella un titre « C'est toi qui me gênes » qui dénonce là encore la stigmatisation qu'expérimentent au quotidien les immigrés en France. Je te dis, ce qui me gêne, c'est quand on cherche un boulot. Je l'ai d'office alors que ma pine couramme pour une place au McDo, ouais. Tu sais, ce qui me gêne, c'est quand je marche dans la rue, dès qu'ils se sourient, et sont mes potes sur rue. Ça me gêne quand dans le bus, tu laisserais ta place à ma grand-mère, elle laisserait la mère de ma copine, avec tous ces sacs en galère. Tu sais, ce qui me gêne, c'est que la couleur dérange. Mais toi, t'es même plus blanc, non, tu viras l'orange. Ça me gêne qu'avec un CAP, je touche 15 000 balles par mois. Et elle, avec ses 7 endroits, elle en touche même pas 3. Ce qui me gêne, c'est qu'à la manifestation, nous nous détons au poste alors que foutait le bord de la nation. Comme toi, je suis blanche. J'ai pas le même discours. Forcé d'être franche face aux racistes dans la basse-cour. C'est quoi ? Ce qui me gêne, c'est que tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime. Si c'est Diams. On est alors en 1999 et Diams a suivi toutes les étapes censées mener à un succès commercial. Se faire connaître dans les réseaux du rap, être invité sur les featuring, se faire produire, enregistrer, obtenir un accueil élogieux dans le milieu. Tout va bien, il ne lui manque qu'un buzz. Finalement, Vince Hill, un producteur qu'elle avait croisé en radio, lui propose une idée qui la séduit. Construire un faux personnage contre lequel Diam se fera un battle, une sorte de clash schizophrénique, dans lequel elle enchaînerait des punchlines et des vannes à un rythme effréné, histoire d'évincer la concurrence. Bienvenue sur Brut de Femme pour le fameux clash entre Diam et Suzy. Ça va déchirer, préparez vos cassettes. Alors c'est toi la rivale, toi qui face à moi frime. T'as à peine 15 ans, tu marches de travers, 75 à de poitrine. Mais bon, vas-y rappe un peu, que je rigole beaucoup et fort. T'as intérêt d'avoir du cran et d'avoir fait beaucoup d'efforts. Mais tu sais pas que je suis Suzy, je manie le mic comme le fusil. Je pète tes fusibles, je rappe à la chaîne, en gros je rappe à l'usine. Pourquoi tu l'ouvres avec ta voix rauque? Ouais, je t'ai fumé trop de maroc. On parle de toi dans les arômes, avec ton rap de yo. Eh hey, Vincile, montre l'heure qui met à la menthe qui, hein. Diamant qui met à l'amende, diamant qui pose allemand, diamant qui pose sagement, Suzy sagement moque. Même si le message manque dans ce passage, non, et donc c'est pas sage, non, diamant c'est de l'abattage, non. Diamant gueule son nom, diamant dans ta sono, diamant dans ta son, diamant tente à son tour de cramer sa rivale. Si elle arrive à le faire, ce qu'elle va le faire avec la poignée, ça va le faire. Bon, on est loin du chef-d'œuvre, mais c'est léger, drôle, bien ficelé. Et le titre est un carton. Dans les collèges, le nom de la rappeuse se met à circuler, la carrière de Diams s'apprête à déconner. Samedi 3 mars 2004, elle est invitée sur le plateau de Tout le monde en parle, émission culte des années 2000. Un an plus tôt, le grand public a découvert DJ, devenu en quelques semaines le tube de l'été 2003. Et Diams, cette jeune femme aux cheveux courts qui semble festoyer allègrement dans une France où la grisaille ambiante est presque devenue une fatalité. Voilà qui l'a définie. Pour la télé, Mélanie a laissé la place à Diams. Alors la rappeuse s'est faite plus féminine. Crayon noir, fard à paupières roses, boucle d'oreilles créole. Elle a troqué son baggy contre des vêtements plus près du corps. Et son équipe lui a bien expliqué. Jamais elle ne pourra gravir les marches de la gloire en grosse suite et jogging. S'ils le disent. Après l'échec commercial de son premier album et 2 ans d'écriture acharnée, la rappeuse entend bien prendre la place qui lui revient, quitte à devoir encaisser les remarques misogynes de l'intouchable vedette du PAF. Et maintenant, voici Diams. Alors vous êtes devenue une vraie fille, aujourd'hui beaucoup plus féminine, non ? Oui, oui. Hein ? Oui. À part les jeans, bon, sinon le reste... Ah, ça la mode. Ouais. Vous avez des talons, des talons, vous portez des talons? Oui, j'en ai chez moi. Ouais. C'est difficile de marcher avec les talons? Non, du tout. Vous y arrivez? Ouais. Vous dandinez super pas trop? Super bien et tout. Ouais, ouais. Manucure? Aussi. Ah là là. Ouais, ça va. Vous vous laissez inviter au restaurant maintenant? Non. Ah non? Non. Quand même pas? Quand même pas. Passez combien de temps dans la salle de bain? Le moins de temps possible, parce que je n'aime pas. Je n'ai pas encore très féminine. Je n'aime pas alors, regarder. Ouais. Donc voilà. Vous pleurez quand vous cassez un ongle? Je pleure tout le temps. Ah. C'est plus simple. Vous êtes une vraie femme, vous avez peur d'avoir 40 ans maintenant, non ? Ouais, j'espère juste y arriver déjà. Ah oui. Ouais, c'est plus ça. Avec un paquet de clubs par jour, marqué, vous ne mettez pas toutes les chances dans le côté. Ouais. Ouais. Si vous êtes une vraie femme, vous ratez vos créneaux ? Je ? Très délicat. Et d'ailleurs, si sur les plateaux télé, les journalistes le voient en diable, ce qu'une machine à tube destinée à devenir has-been. Dans les chambres d'ados de l'Hexagone, en revanche, des milliers de jeunes filles découvrent le reste de l'album et tendent l'oreille. CDG est un formidable produit d'appel, léger, festif. L'album Brut de Femme cache en réalité des ombres intéressantes. Alors que Lead Parade fait label à la SketchUp accélérée de Jennifer, les adolescentes sont interpellées par le flow incisif et tranchant de Diams. Ces mots, précis, clinquants, directs, sans concession. Un titre interpelle particulièrement, Ma souffrance, dans lequel Diams raconte avoir été battu par son ancien petit ami. Un sujet peu abordé, presque tabou, au début des années 2000. En lisant les lettres de ses premiers fans, la rappeuse constate que l'authenticité de ses textes, son franc-parler et la mise à nu de ses sentiments la rapprochent de son public. Alors, elle se met à écrire un nouveau disque, Dans ma bulle, son troisième album, le plus achevé, le plus mémorable, celui qui confirmera son incontestable talent d'autrice et qui lui ouvrira les portes du succès. C'est 9-3, Mathieu. 27 octobre 2005, Clichy-sous-Bois, des émeutes éclatent après la mort de deux adolescents électrocutés dans l'enceinte d'un poste électrique alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Trois jours plus tard, alors que les affrontements se poursuivent dans la rue, les forces de l'ordre lancent une bombe lacrymogène qui explose à l'entrée du mosquée. La Seine-Saint-Denis s'embrase, puis c'est toutes les banlieues de l'Hexagone qui se soulèvent. En début d'année 2006, alors qu'elle assure la promotion de son nouvel album, Diam s'est invitée à s'exprimer sur le sujet. Et elle dénonce l'indifférence des politiques vis-à-vis des revendications de la jeunesse. Vous dites d'ailleurs, si on avait écouté plutôt les chanteurs de rap, ouais, on aurait compris pourquoi, comme ils n'étaient pas entendus, ils ont brûlé les voitures. C'est un peu rapide. Ouais, quand même. C'est pas le raccourci que j'avais dû faire, mais ce que j'ai pu dire, c'est que au moment des émeutes, j'ai entendu souvent, ils auraient pu s'exprimer autrement. Mais ça fait 15 ans que le rap, c'est aussi, on va dire, une parole donnée, entre guillemets, aux jeunes de banlieue, parce que j'ai pas envie de caricaturer ça, mais c'est la banlieue, c'est aussi les provinces qui souffrent, etc. Et le rap, ça a toujours été un coup de gueule contre la société ou contre dénoncer ce qui va pas, et parfois aussi ce qui va, tout simplement, parce qu'il y a aussi des raps quand même positifs. Et quand on réfléchit bien, le rap est allé dans les oreilles des jeunes, mais a jamais intéressé quelconque politicien, à part quand c'est pour taper dessus. Balava dans son temps avait dit avec ses mots la même chose à François Mitterrand, parce que les tensions entre les forces de l'ordre et les jeunes ne datent pas d'hier. Tout au long de la décennie 1990 en particulier, décrite comme celle de la fracture sociale, on enregistre des drames similaires, quoique circonscrits à des quartiers. Les Fontenelles à Nanterre en 95, le Mirail à Toulouse en 98. Les ingrédients sont toujours les mêmes. Une bavure policière, des blessés ou des morts chez les habitants et la réplique des jeunes qui brûlent des voitures, des bâtiments et pillent les magasins jusqu'à l'affrontement de rue avec les agents de la BAC, la brigade anticriminalité, créée en 94. Vous avez assez de cette bande de racailles. Bon, on va vous en débarrasser. Tandis que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, s'engage à nettoyer les cités au Karcher, dans les Walkman, les jeunes sont invités, eux, à analyser les événements avec un recul qui semble faire cruellement défaut chez les personnalités politiques. À en croire la petite banlieusarde, en effet. Cette crise n'est rien d'autre que l'illustration des frustrations d'une jeunesse condamnée à travailler comme ses parents pendant 20 ans. Si dans ses textes, la rappeuse dépeint elle aussi une jeunesse à la dérive, en manque de repères et parfois violente, c'est vrai. Elle met également en lumière l'acharnement de la police à l'égard des jeunes de banlieue et elle accuse l'éducation nationale qui, au lieu de servir d'ascenseur social, reproduit les inégalités et fabrique de l'exclusion massive. Il se trouve que la génération de maintenant n'a pas besoin de l'école pour lui dicter ses codes. Avec le titre « La boulette », Diams devient la chef de file d'une jeunesse marginalisée, la grande sœur de toute une génération. C'est une fille d'une cité comme nous déjà, Jim, et elle raconte un peu de comme si c'était notre vécu, tu vois. C'est un message positif avec des jolis mots, je trouve. Des mots qui passent bien, que les jeunes entendent bien. Pour autant, loin de se cantonner à une description misérabiliste des conditions d'existence des banlieusards, Diams dresse aussi le portrait d'une jeunesse ambitieuse, déterminée, imprégnée par la culture américaine et portée par ses propres modèles de réussite, Zidane, Tony Parker ou Jamel, tous issus des quartiers populaires. Contre les clichés des jeunes en échec scolaire, tentés par la criminalité et destinés à toucher le RMI, Diams célèbre une jeunesse multiethnique qui ne demande qu'à être prise en compte, entendue, reconnue. Parallèlement, elle tente d'inciter son public à se réapproprier les outils démocratiques républicains. En pleine campagne présidentielle, en effet, elle glisse dans la pochette de son album un encart incitant les jeunes à aller voter. L'objectif est clair, barrer la route à l'extrême droite et éviter que le choc du 21 avril 2002 ne se répète. Quelques mois plus tôt, en studio, la rappeuse avait ressorti de ses tiroirs un titre qu'elle avait écrit chez sa mère un soir de décembre 2003. En zappant sur les chaînes de télé ce soir-là, Diams tombe sur les traits presque angéliques d'un nouveau visage de la politique française. Aphone à cause d'un polype, la rappeuse décide de lui écrire une lettre sans savoir que ce titre deviendrait avec le temps le plus marquant de sa carrière. Moi j'en merde, j'en merde, j'en merde, j'en merde. Que t'es dans le vrai, que t'as su saisir ta chance et que ton avenir est tracé. Marine, je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. Mais si les jeunes, toutes catégories sociales confondues, écoutent Diams au début des années 2000, c'est aussi parce qu'elle met des mots sur un thème universel, peu traité dans le rap ou dans les médias, le mal-être adolescent. Premier choc amoureux, première trahison, première envie d'en finir, autant de premières fois dont on tend à minimiser l'impact psychologique sur la jeunesse. Chez Diams, ou plutôt chez Mélanie pour le coup, c'est l'absence du père qui pèse. Mais elle s'adresse plus largement à celles et ceux qui, comme elle, enfants uniques, délaissés ou désabusés, cherchent autour d'eux un peu d'amour, un peu de respect. Sans détour, frontalement et à la première personne, elle raconte dans TS sa tentative de suicide 10 ans plus tôt. Pour certains, c'est un SOS, pour d'autres, une preuve de faiblesse. Si son public trouve en elle une figure à laquelle s'identifier et se raccrocher, Diams ne cache pas sa dépendance à l'écriture et à l'amour de son public. Une dépendance mutuelle qui constitue le socle d'une relation fusionnelle, quasi indéfectible entre l'artiste et son public. Le 10 janvier 2008, après des mois passés à arpenter le globe pour sa tournée internationale, Diams est de retour chez elle, dans l'immense duplex qu'elle s'est offert près de la place des Termes. Dans l'entrée, soigneusement disposée sur une étagère de marbre, trônent les dizaines de disques d'or, les victoires de la musique, les trophées des Energy Music Awards. Après le succès de son dernier album, vendu à 1 million d'exemplaires, l'argent se met à couler à flot. Les jets privés, les limousines et les suites de luxe ont remplacé les transports en commun, les plans canapés et les kebabs. Pour la moindre apparition, elle encaisse désormais des centaines de milliers d'euros qu'elle n'a même plus le temps de dépenser. Sur tous les plateaux, on l'invite à donner son avis sur la musique, la jeunesse, la politique. En quelques mois, elle est devenue une idole incontournable. Mais ce jour-là, Mélanie retrouve un appartement vide. Pas de mari, pas d'enfant, pas de public et pas de réseaux sociaux à l'époque. Non, juste le silence, assourdissant, et un constat amer. Cette carrière, cette célébrité qu'elle a tant cherchée, ne parviennent pas à combler le vide qui la ronge depuis l'adolescence et ne lui apporte rien de ce à quoi elle aspire réellement. Pour l'instant, ce n'est rien qu'une vie triste et sans saveur, et personne vers qui se tourner. Comme elle raconte dans son autobiographie, elle décide alors de s'adresser à son public et d'écrire. Il n'y a que ça qui peut la soulager. Bien. Mais pour raconter quoi? Ses souffrances? Personne ne les prendrait au sérieux compte tenu de sa notoriété et de son train de vie. Son manque d'amour? Personne ne voudrait y croire puisqu'elle est convoitée toute part et que des milliers de gens lui témoignent son affection. Sa richesse? Très peu pour elle. Les textes bling-bling faisant l'apologie du luxe, ça n'a jamais été son truc. En pensant à son public, Mélanie réalise qu'on l'aime, oui, mais à certaines conditions. Les yeux remplis de larmes, elle sent l'envie d'en finir. Puis, c'est le trou noir. Plus tard, dans un morceau intitulé « Si c'était le dernier », qu'elle considère comme étant son plus beau titre, Diams revient sur cette période avec ces mots. « J'ai posé un genou à terre en fin d'année 2007. On m'a dit, Mel, soit en t'interne, soit en t'enterre. Qui l'aurait cru ? Moi, la guerrière, j'ai pris une balle en pleine tête, une balle dans le moral. Il paraît que j'ai pété un câble. Il paraît que j'ai fait 10 pas vers Dieu depuis que j'ai sombré. Paraîtrait même que je vais mieux depuis qu'on m'a laissé tomber. Car c'est comme ça dans la vie. Quand tout va bien, t'as plein d'amis. Puis quand t'éteins, t'entends une voix qui te dit « T'es seule, Mélanie ». Qu'est-ce que tu fais, là ? Sors ton lit. Prends ton stylo et gratte, là. Non, j'ai plus envie. Lâche-moi. Je fais plus rien. Quoi ? J'en ai marre, je fais plus rien. Mais arrête un peu, vas-y, lève-toi. Sinon, je vis comment ? Je la nourris comment, maman, si tu te laisses crever, là, et t'écris pas, hein ? Tu me dis ? J'en sais rien. Compte plus sur moi, franchement, j'ai trop mal au cœur. J'ai trop de choses sur le cœur. Ben justement, ça devrait t'inspirer, mais... Vas-y, écris, allez. J'arriverai pas à ça. Non. Mais arrête un peu. Relève ta tête, là. Arrête de chouiner, là. Vas-y, écris. Et moi, je pars au front, ok ? C'est moi qui le défends. Ok ? Ok, mais d'abord, il faut qu'on parle. Car c'est de ta faute aussi, tout ça. Ok, vas-y. Je t'écoute. Vas-y. Je me sens perdue. Je vis à l'étroit dans ta cellule. Si je perds pied, c'est que j'en ai marre qu'on nous conjugue. Tu prends trop de place, t'occupes toute la surface. Et moi je m'écrase, plutôt c'est toi qui m'efface, Diams. Ton ambition cadenasse tous mes rêves de gosse. Où est mon mari, où est son bon goût, où est son carrosse? Baggy basket, y'a que mon mascara qui t'illumine. Et puis je me taperais bien le grec, vu que t'es au régime, bah ouais. Depuis quand c'est toi la bouée, quand c'est moi qui submerge? Et qui écrit quand c'est toi qui a la gamberge, hein? Je suis ton inspi, et c'est dur à admettre, Diams, car je suis l'auteur, et toi t'es que l'interprète. C'est quoi ce discours? Car t'as bien kiffé mes disques d'or. Tu fais demi-tour, car t'as peur que mon succès te dévore. Je suis ton sang, celui qui n'a jamais fait plus qu'un tour. Ton exomile comme un fan, dernier recours, ma belle. Je suis la rage, t'es fragile comme une princesse. Moi le dragster, je suis le Baxter de ta TS, t'es mon frein. Et puis t'es beaucoup trop timide, Mel. Moi j'aime les refrains, j'aime quand ça rappe, j'aime les gimmicks. What? À t'écouter, on n'aurait pas atteint le zénith, ni le million, ni l'Afrique. Moi je suis photovoltaïque, je suis la compète. J'ai du succès et ils sont fous de moi. Toi tu pètes un câble et t'es vexé car on s'en fout de toi. Viens on leur dit. Ils ont dit que j'étais morte, ils ont dit que j'avais péri. Je vous réponds que je suis forte, que je suis guérie. Ils ont dit que j'avais pété les plombs, pas là pour leur cirer les pompes. Désormais seul mon public compte la lumière. Les aveugles, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je suis seul devant ma feuille. Et si Diams a perdu des amis, des tracteurs, sachez que Mélanie n'a pas perdu son cœur. Son cœur. 8 octobre 2009, un vent de polémique souffle sur la France. Et c'est à ce moment-là que Paris Match sort sa une avec les photos de Diams voilées. Partout, dans les salons de coiffure, dans les salles d'attente et jusque dans les rédactions de la capitale, on se scandalise, on s'indigne et l'on cherche à savoir ce qui a bien pu arriver à la pauvre Diams pour qu'elle ait besoin de se convertir à l'islam. Le lendemain, Fadela Amara, fondatrice du mouvement Ni pute ni soumise et secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, est invitée sur Europe 1. Diams, la chanteuse, s'est métamorphosée en quelques mois. On la découvre voilée dans le dernier numéro de Paris Match avec un long voile noir qui lui couvre une grande partie du corps. D'abord, Diams, c'est toujours votre avis, vous lui parlez ? Vous connaissez, alors si on revient au sujet, vous connaissez mes positions sur la burqa. Je suis totalement contre la burqa, aussi contre le voile. Je pense que c'est des outils d'oppression en direction des femmes. Mais je ne voudrais pas accabler Diams parce que je pense qu'elle traverse une période très très difficile. D'ailleurs, elle l'a elle-même expliqué. Et si je vous rappelle que j'ai écrit un livre à l'époque qui s'appelait Ni pute ni soumise, j'expliquais déjà les différentes formes de port de voile qui pouvaient exister. Donc, il y avait les vrais militants politiques qu'il faut combattre coûte que coûte. Et puis vous avez des gamines aussi qui se cherchent, qui traversent des périodes difficiles et qui, sur une période transitoire, portent le voile comme symbole de protection. Mais attention à la dynamique qui amène jusqu'au fondamentalisme. Comprenez, ne vous libérez pas, on s'en charge. Et tant pis pour les amalgames. Une position qui, en réalité, reflète bien le traitement médiatique de l'affaire. Pour bon nombre d'observateurs, en effet, le statut d'artiste engagé de jeune femme combative, autrement dit de grande gueule, au féminin, est incompatible avec la religion musulmane. Dans les colonnes des journaux, on met en avant les commentaires des fans qui se disent déçus et affirment que Diams a niqué sa réputation et trahi les meufs de sa cité, je cite. Si certains journalistes plus rares. S'interroge, est-ce qu'on en aurait autant parlé si Diams était devenu bouddhiste, par exemple? Globalement, sa conversion à l'islam est perçue comme un rejet des valeurs républicaines. Celle qui s'était battue pour politiser la jeunesse en l'incitant à se réapproprier sa citoyenneté symbolise désormais l'échec de l'intégration des immigrés. Elle devient l'incarnation de l'islamisation des banlieues, une menace pour la civilisation occidentale, selon certains. Mais de quelle trahison la rappeuse est-elle accusée, au juste? Et comment comprendre cette incompatibilité supposée entre l'islam et les valeurs de la République? Dans leur ouvrage intitulé « Islamophobie », les sociologues Marwan Mohamed et Abdelhadi Al-Jat datent l'apparition d'un supposé problème musulman en France au début des années 80, dans le contexte des grèves ouvrières engagées contre les licenciements massifs dans l'industrie automobile. Au printemps 1982, les ouvriers immigrés occupent les usines de Citroën-Aulnay et de Talbot-Poissy. C'est dans ce contexte que la question musulmane fait irruption dans le débat public. Les images d'ouvriers faisant la prière à l'usine et l'utilisation par les leaders syndicalistes maghrébins de la langue arabe et de références religieuses pour mobiliser les ouvriers sont les faits tangibles sur lesquels s'appuient les adversaires des grèves pour les dénoncer et pour les stigmatiser. Selon une note interne de PSA, il existerait un risque non négligeable de voir des mouvements intégristes tirer bénéfice de cette agitation. Un problème musulman qui justifierait l'intervention des forces de police et les expulsions des ouvriers immigrés hors du territoire français. 5 ans plus tard, lors d'une commission sur la nationalité instaurée par Jacques Chirac, alors Premier ministre, Bruno Étienne, islamologue, reprend la formule devant un parterre de technocrates en affirmant, et je le cite bien sûr, que les musulmans ne sont pas intégrables, que c'est un véritable problème qu'il s'agit d'affronter. Parallèlement, les médias prennent peu à peu l'habitude d'analyser l'islam à travers le prisme de l'actualité internationale. La révolution en Iran à la fin des années 70, la décennie noire en Algérie, la décennie 90, puis les attentats du 11 septembre, ceux de Madrid en 2004 et de Londres en 2005. Autant d'événements qui nourrissent une défiance à l'égard des musulmans de France qu'on assimile publiquement à de potentiels intégristes. Peu à peu, le mythe de l'islamisation ou du grand remplacement, popularisé par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus, se propage et trouve son public. Dans ce contexte, et au lendemain du 21 avril 2002 qui voit le FN franchir les portes du second tour de la présidentielle, l'obsession sécuritaire se mue en obsession identitaire. Dans les débats télévisés, une question revient de façon lancinante, faut-il avoir peur de l'islam ? Lorsque la polémique éclate après la publication des photos en 2009, Diams encaisse le coup sans trop comprendre pourquoi la révélation de sa foi provoque une telle polémique. D'autant qu'elle ne s'en était pas vraiment cachée et qu'elle avait par ailleurs, et depuis longtemps, adopter certains des rites musulmans sans que cela ne pose de problème au sein de sa famille ou de son équipe. Mais la rappeuse comprend vite que ce n'est pas tant sa foi qui semble susciter le débat, mais bien ce voile dont elle a décidé de se couvrir, du moins pour aller à la mosquée. Il faut dire que depuis 1989 et la première affaire du foulard à Creil, les affaires politico-médiatiques autour des signes religieux dans l'espace public se sont multipliées. La laïcité, qui mobilisait peu l'opinion au début des années 90, devient dans les années 2000 un sujet sulfureux, explosif, au point de semer la discorde jusque dans les rangs du Parti Socialiste. Dans un débat qu'il monopolise, le Premier ministre de François Hollande, Manuel Valls, est invité à échanger avec une jeune femme voilée. Je n'ai pas à juger le choix que vous faites, c'est le vôtre, mais moi je vais vous parler très honnêtement et très franchement. Je m'inquiète d'une mode qui est en effet celle d'un voile revendiqué. Je ne confonds pas le voile des mamans... Si je puis me permettre... Je vais aller jusqu'au bout. Des mamans, des grands-mamans, un voile traditionnel. Mais il y a aujourd'hui, oui, un voile porté comme un étendard politique. Mais le message vis-à-vis de ces jeunes femmes qui n'ont pas réussi comme vous, ou qui sont aujourd'hui dans ces quartiers populaires, où il y a... Donc le machisme, faut réussir pour pouvoir avoir la capacité de réfléchir par soi-même. C'est pas ce que je veux dire, mais où il y a ce machisme, cette influence du salafisme, des frères musulmans. Moi aussi, je suis féministe. Et je vois la violence exercée sur les femmes. Et puis, vous savez quand même, dans d'autres pays, je pense à la Tunisie, je pense à l'Iran, des femmes à qui on a imposé le voile se battent précisément pour l'enlever. Ce type de discours, largement répandu sur les plateaux télé, s'appuie sur une certaine vision de la laïcité. Il n'est plus tout à fait fidèle à l'esprit de 1905. D'autant que, depuis 2004 et l'adoption d'une loi interdisant les signes religieux à l'école, le sujet semble faire consensus. Après l'école primaire, le collège et le lycée, l'interdiction est donc étendue aux salariés du secteur public puis à ceux du secteur privé. Dans les administrations et dans les entreprises, on peut désormais exiger des femmes qu'elles se dévoilent et des hommes qu'ils coupent leur barbe. En 2010, la France devient le premier pays du monde à interdire la burqa. Mais quel est le message? Écoutons ce qu'en dit le sociologue Marwan Mohamed. Sur la question de la difficulté à appréhender l'islamophobie, c'est quelque chose qui peut se comprendre, qui peut s'expliquer. On a une histoire qui est avec une très forte tradition laïque et séculariste. Il y a aussi un fort courant anticlérical en France. Il y a un souci, et là c'est plus d'ordre nationaliste, avec les minorités postcoloniales. Il y a aussi un certain nombre de mouvements féministes qui voient dans la pratique religieuse de l'islam des pratiques complètement opposées à ce qu'elles peuvent défendre. Donc on fait l'histoire de toutes ces ressorts qui permettent de comprendre pourquoi il peut y avoir une réticence facile à comprendre. C'est pas forcément du racisme, on est complètement d'accord. Le déni du mot peut se comprendre en tant que tel, mais le déni du phénomène en tant que tel pose un peu plus de problèmes. En 2011, de retour d'un pèlerinage à la Mecque où elle a pu profiter de son anonymat retrouvé, Diams s'en fait elle-même l'expérience. Dans les rayons d'un supermarché où elle déambule incognito derrière son hijab, une femme l'interpelle et lui lance « Rentre chez toi, Belphégor !» Des insultes comme celle-ci, la jeune femme n'en a jamais essuyé au cours de ses nombreux voyages à l'étranger. Il n'y a qu'en France où son voile semble poser problème, proteste-t-elle. Mais là où Diams aurait répliqué sans retenue, Mélanie, qui vient de dépasser la trentaine, garde son calme et passe son chemin. 4 ans plus tard, alors qu'elle mène une vie tranquille loin du showbiz dans un village à quelques heures de Paris, l'ex-rappeuse devenue maman d'une petite fille sort finalement de son silence avec une autobiographie, Mélanie, française et musulmane, comme un clin d'œil à toutes celles qui, comme elle, ont pu à un moment douter que de telles identités puissent coexister. Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes, parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure, héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise. Elle vit à l'heure américaine, KFC, MTV Base, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle C'est les petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs, elle. C'est les petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Diams, dont nous allons parler avec vous, Éric Fassin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et professeur au département de sciences politiques et d'études de genre de l'Université Paris 8 Saint-Denis et chercheur par ailleurs au laboratoire d'études de genre et de sexualité du CNRS. Vous avez travaillé sur la question du voile dès le début des années 2000. Vous avez signé notamment un article intitulé « Le voile républicain et ce qu'il donne à voir en le cachant ». Ça, c'était en 2004 dans la revue Vacarme, et vous avez écrit un ouvrage intitulé « De la question sociale à la question raciale » paru, lui, aux éditions de la Découverte en 2009. Vous me disiez, ça fait du bien d'entendre Diams, effectivement, c'est agréable. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que Diams a rencontré un tel succès auprès des jeunes? Qu'est-ce qu'elle incarnait, finalement? Je crois qu'il y a deux choses. On a beaucoup parlé des jeunes, des cités, des banlieues, tout ça au pluriel depuis quelques décennies, c'est-à-dire des problèmes. On en a beaucoup parlé, donc c'est les objets. Et là, avec le rap, et en particulier avec Diams, bah c'est les sujets qui prennent la parole. C'est pas simplement un reflet de ce qui se passe dans la société, c'est une prise de parole des personnes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et en plus, c'est une femme. Ouais. Et ça, c'est important, bien sûr, parce que le rap, c'est plutôt un monde masculin. Mais aussi parce que on avait l'habitude de nous dire que les filles des banlieues, elles n'avaient pas la parole. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'elles parlent, par exemple avec la chanson « Ma souffrance », non seulement des discriminations, du racisme et de la violence, mais aussi de la violence sexiste. Oui. Donc il n'y a pas à choisir. C'est pas parce qu'on est une femme de banlieue qu'on doit se dire « soit je me bats contre le racisme, soit je me bats contre le sexisme ». Or, c'est précisément l'alternative qui s'imposait dans le débat public au début des années 2000, avec ce qu'on appelait les tournantes, ou bien... puisqu'on entendait tout à l'heure Fadela Amara avec Ni pute ni soumise. C'est-à-dire qu'au fond, on avait tendance à dire que le sexisme, c'est eux. Ouais. C'est dans les banlieues, c'est les immigrés, c'est les jeunes, c'est pas nous. Bien sûr, c'est arrangeant. Donc on passe de l'objet au sujet, je retiens cette formule. Alors l'islam, effectivement, au fil des années, est devenu un sujet explosif en France. Comment l'expliquez-vous? Alors je sais que la question est quand même très très générale, surtout pour un sociologue qui n'aime pas aller dans les raccourcis, de votre démarche scientifique, mais on va essayer quand même de synthétiser. Ben, ce qu'on peut se dire d'abord, c'est que il n'y a pas qu'en France que l'islam est un enjeu. En particulier, tout ce qui s'est joué autour de la géopolitique depuis la révolution iranienne, mais aussi avec le terrorisme, ça a contribué fortement à mondialiser la question de l'islam. Mais après, il y a quand même une spécificité française relative. C'est-à-dire que d'un côté, il y a tout ce contexte et la France en fait partie, mais d'un autre côté, la spécificité du voile, eh bien, ça c'est une histoire française. C'est-à-dire que dans beaucoup d'autres pays, où on n'aime pas particulièrement les musulmans, où on est prêt à croire que ce sont des terroristes, ou etc. Mais quand même, on ne considère pas que le problème, c'est le vêtement des femmes. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que en fait, en France, on voit bien que ça permet de se dire que c'est par féminisme qu'on n'aime pas l'islam, ou bien c'est par laïcité. Autrement dit, c'est pour de bonnes raisons, pour des valeurs démocratiques, qu'on n'aime pas ces gens-là. C'est ça la spécificité française, c'est que, en toute bonne conscience, on peut considérer qu'une partie de la population, eh bien, elle est un problème. Et pour vous, c'est une impasse? Je crois qu'en effet, il est, pour une société démocratique, impossible de décréter qu'une partie de la population n'appartient pas à la nation. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des étrangers, bien sûr, il s'agit beaucoup de Françaises et de Français. Donc la question, c'est précisément, puisqu'on parle de laïcité, eh bien la laïcité, c'est quoi? C'est la liberté. Okay. C'est la liberté religieuse. Donc ça n'est pas dire aux gens comment s'habiller. Ça n'est pas leur dire si on aime ou pas leur rapport à la religion. Mais si on dit, si la parole publique dit que ça envoie des messages qui sont contraires à nos valeurs démocratiques, on peut l'entendre également. Bien sûr, mais il se trouve qu'on ne le dit qu'à propos de l'islam. C'est vrai. Or, par exemple, si on veut voir une menace forte contre la laïcité française dans les années 2010, c'est le fait que l'Église catholique ait organisé des manifestations très importantes contre une loi qui allait être votée, puis qui a été votée, celle du mariage pour tous. Et d'ailleurs, contre toutes les lois d'émancipation. C'était la même chose contre l'avortement, bien sûr. Contre le Pax. Et de manière surprenante, dans les années 2010, où on a tant parlé de laïcité, on en a peu parlé à ce propos, y compris lorsqu'il y avait des manifestations devant le Sénat. Imaginez une manifestation musulmane devant le Sénat. Imaginez des prières de rue, comme il y en a eu par les catholiques, pour des raisons politique, par des catholiques plus exactement, imaginez si c'était des musulmans. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que la laïcité, dans ce cas-là, n'est pas utilisée comme un principe universel, mais seulement pour une partie de la population. C'est bien pour ça qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une racialisation de la société française, du débat public, et en particulier dans les débats qui concernent la laïcité. Mais quand on interdit les signes ostentatoires d'appartenance à une religion, ça concerne aussi la croix. Tout à fait, mais on sait bien que par exemple... Ou l'étoile de David. Tout à fait, mais on sait bien que ça c'est dans un deuxième temps. C'est-à-dire que tout le débat, déjà en 1989, et depuis lors jusqu'en 2004 en particulier, ou encore avec la loi sur la burqa en 2010, on nous dira « non, c'est pas la burqa ». Oui, mais quand même, il se trouve que c'est toujours à propos des musulmans. Autrement dit, des tas de pratiques, de signes qui ne posaient pas problème quand c'était d'autres. D'accord. D'un seul coup, oui, on découvre que ça menace la société française et la République. Alors, votre regard dans cet ordre d'idées sur l'affaire du Burkini. Eh bien, en fait, le problème, c'est que si on nous dit que le voile, c'est une manière d'enfermer les femmes dans la soumission. À quoi ça sert le burkini ? Ça sert à aller à la plage ou à la piscine. Autrement dit, ça sert à sortir. Donc en fait, si ce qu'on craint, c'est le séparatisme, si ce qu'on craint, c'est le communautarisme, c'est-à-dire que les gens se replient entre eux et dans la sphère privée, eh bien on devrait souhaiter le contraire. On devrait souhaiter que ces femmes, elles sortent. On devrait souhaiter qu'elles aillent à la plage. Des femmes à la plage, c'est plutôt bon signe. Alors, j'ai remarqué que vous avez écrit qu'à partir de l'élection présidentielle de 2002, alors vous avez écrit la chose suivante, « La République n'est plus définie par l'antiracisme et l'antifascisme, mais par la laïcité et la sécurité. » Ça fait écho, ce que vous venez de dire ? Oui, je crois qu'effectivement... En partie ? Lorsque on prend la devise de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, on se demande ce qu'il en reste dans les débats sur l'islam. En fait, si on commence à considérer qu'il y a des gens qui sont a priori un problème, et c'est ce qu'on nous explique tout le temps en nous disant est-ce qu'ils peuvent s'intégrer ou pas, ou etc., c'est-à-dire qu'on désigne une partie des gens comme eux. Autrement dit, ils ne font pas partie les de autres. Nous. Ce sont les autres. Nous, on n'est pas comme eux. Ouais. Eh bien ça, je crois que c'est une menace très profonde pour la démocratie. Et la cohésion sociale. La cohésion sociale, mais aussi pour la manière dont on veut vivre en société, c'est-à-dire quel est notre idéal politique ? Notre idéal politique, puisque nous le répétons tous les jours, la République, eh bien, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, c'est un gouvernement de droite qui avait voté la loi sur l'interdiction des signes religieux. La gauche porte-t-elle aussi une responsabilité dans la situation aujourd'hui ? Et laquelle ? Pour ma part, je crois qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déplacement du spectre politique, c'est-à-dire que, à bien des égards, l'hégémonie politique et l'hégémonie idéologique de la droite depuis quelques décennies, qui s'est jouée dans l'économie, au nom du réalisme, elle s'est jouée aussi en matière culturelle, avec une forme de réalisme, qui était de se dire, puisque les gens n'aiment pas les autres, eh bien, on va suivre le mouvement. Je crois que ça veut dire que, au lieu de considérer, par exemple, lorsqu'il s'agit d'immigration, ou par exemple, lorsqu'il s'agit de musulmans, au lieu de considérer qu'il y aurait deux visions du monde différentes, on finit par croire que tout le monde est d'accord. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Encore une fois, la démocratie, c'est pas tout le monde est d'accord. Ce sont des valeurs qui s'affrontent dans la sphère politique. Si on commence à dire qu'au fond, tout le monde est bien d'accord en France pour dire qu'on ne devrait pas porter un voile, eh bien, ça veut dire qu'on est sorti de la logique démocratique, c'est-à-dire, la logique démocratique, c'est on n'est pas d'accord entre nous. Et quand vous entendez l'expression islamo-gauchisme, vous réagissez comment ? Eh bien, d'abord, je sais qu'elle vise, entre autres, des gens comme moi, avec des conséquences bien pratiques, bien réelles, bien effectives dans le monde universitaire. Ce que ça nous dit, c'est que on s'en est pris aux musulmans, on s'en est pris aux jeunes, on s'en est pris aux immigrés. Et puis, aujourd'hui, on s'en prend aussi aux personnes, j'en fais partie, mais il y en a beaucoup d'autres, entre autres dans le monde universitaire, mais pas uniquement, qui essaient de rappeler ces principes démocratiques et ces principes républicains. Pourquoi ? Parce que, en quelque sorte, ce qu'on nous dit, c'est arrêter avec toutes ces histoires. Par exemple, ne parlez pas d'islamophobie. Je crois qu'on a entendu tout à l'heure Marwan Mohamed, qui, avec Abdelali Ajat, a écrit un livre important qui vient d'être réédité sur l'islamophobie. Le fait même qu'on nous dise « ne parlez pas d'islamophobie », parce que sinon ça veut dire que vous êtes un islamo-gauchiste, eh bien c'est quand même une drôle de chose, puisqu'on est censé défendre la liberté d'expression, puisqu'on est censé défendre la liberté de parole, mais aussi la liberté académique. Alors je reviens à Diams, d'ailleurs on s'en est pas vraiment éloigné, l'un des plus gros tubes de la rappeuse, la Boulette, sortie au lendemain des émeutes de 2005. On l'entend bien, elle traduit une profonde défiance des jeunes de banlieue vis-à-vis de l'État, mais aussi de l'école et de la police. Comment est-ce que vous expliquez ce qu'on pourrait appeler cette idéologie du rejet, cette désaffection à l'égard des institutions, ce manque de confiance à l'endroit de tout ce qui manifeste la puissance publique finalement ? Écoutez, moi j'enseigne aujourd'hui à l'Université Paris 8 en Seine-Saint-Denis. Et qu'est-ce que je constate ? Ce que beaucoup disent, c'est que dans les écoles de Seine-Saint-Denis, eh bien, très souvent, il n'y a pas de profs. Ça, c'est un désengagement de l'État. Ouais. Il suffit de prendre le métro, d'essayer d'avoir des transports en commun pour se rendre compte d'un désengagement de l'État. Donc, quand on entend « territoire perdu de la République », comme si les gens étaient séparatistes... État de non-droit. Voilà, je crois qu'il faut entendre « territoire abandonné par la République ». En réalité, il y a une partie de la population qui, par des effets de ségrégation sociale, ségrégation spatiale, mais aussi ségrégation raciale, se trouve exclue. Et quand on en parle, on nous dit « le problème, c'est d'en parler ». Non, le problème, c'est la réalité. Ouais. Donc c'est d'abord la question sociale, finalement. On n'a pas inventé le CV anonyme pour rien, c'était un aveu d'inégalité des chances, donc c'était pas républicain. Donc ce problème des quartiers dits difficiles, c'est d'abord une question sociale, un problème social. C'est à la fois une question sociale et une question raciale, c'est-à-dire que ce sont deux logiques qui se croisent et qui viennent redoubler les effets négatifs de stigmatisation. On sait bien que, par exemple, le code postal, ça peut être une manière de disqualifier des gens. Ouais. Ou bien l'accent. Quand on entend parler Diams, on se rend bien compte qu'elle n'a pas l'accent standard. Elle a un accent qui est directement lié à une expérience, à une pratique, à une vie qui est celle, plutôt, des banlieues populaires. Au début des années 2000, Diams a tenté de combattre l'extrême droite, notamment avec sa chanson Marine, mais aussi en incitant ses fans à aller voter. Qu'est-ce que ça vous inspire, comme ça, le rôle d'un artiste engagé dans la citoyenneté? Et là, c'est intéressant, puisque c'est Diams qui parle de la vie, dans ses chansons, qui parle de sa vie, qui parle de la vie de ses congénères. Je crois que ce qu'on entendait tout à l'heure dans sa bouche était très éloquent. Lorsqu'elle disait les gens nous disent on n'avait rien vu venir, il suffisait d'écouter le rap. En fait, je crois que si on n'a pas entendu venir les choses, c'est parce qu'on n'a pas voulu écouter, ou plus précisément parce qu'on a empêché les gens de parler, ou on a empêché quand ils parlaient qu'on les entende. Une figure comme celle de Diams, c'est quelqu'un qui prend la parole. Je crois que le côté « grande gueule », pour utiliser l'expression au féminin, comme vous tout à l'heure, eh bien, je crois que c'est une manière de dire « il y a des gens qui, en France, n'ont pas la parole ». Peut-être qu'une des manières de les faire entendre, qu'une manière pour eux, pour elles, de se faire entendre, eh bien, c'est de prendre la parole, quoi qu'on en pense, même si ça ne nous plaît pas. Bien, merci infiniment, Eric Fassin. Merci à vous. De vos lumières scientifiques et de sociologues autour de cette histoire, autour de l'histoire de cette rappeuse et autour surtout de ce qu'elle a dit et ce qu'elle a dit en chantant. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Diams, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florent Dorimini. Merci à Violaine Brébion pour ses lectures au long de ce récit.